tienne. Je me rappelle de ces moments suprêmes. C'était avant que la vie ne nous amène. Aujourd'hui j'ai ma vie, tu as la tienne. Mais mes mains encore se souviennent de toi. Je me rappelle. J'ai même tenté d'écrire une fois sans pouvoir continuer. Mes mots sont restés prisonniers dans une boule de papier. J'ai dû suivre mon chemin. Aujourd'hui j'aime ma vie, tu as la tienne. Mais mes mains